Aujourd'hui, deuxième épisode pour le service du roi Jean. Nous avons laissé hier Guillaume alors qu'il venait d'entrer au service de Jean de Luxembourg. Il est donc parti en Bohême puisque ce prince est roi de Bohême. Et ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que Guillaume, qui a à peu près le même âge que lui, est fasciné. Pour lui, il est prêt à partir à cheval dans toutes les expéditions. C'est un homme extravagant, la tête remplie d'histoires de chevalerie, qui prête main forte, sans compter, à toutes les aventures de la chrétienté, jusqu'en Lestonie, dans cette campagne menée aux côtés des chevaliers teutoniques contre le fils d'Alexandre Nevski. Et en campagne, il est capable de tout. Jean donnait tout, nous dit Guillaume, joyaux, terre, ne gardait que l'honneur. Il n'avait d'argent qu'ure, et rien qu'honneur désirait. S'il avait cotte grise de drap de poulaine ou de frise, et un cheval seulement, il lui suffisait, hautement. Mangeait souvent des navets, des fèves, du hareng, de la soupe à l'ail, par défaut de bonne viande. Il n'était pas de ces gens haïs, car chacun l'aimait et le servait. Et Guillaume fait partie de cela. Il le suit, secrétaire, confident, aumônier, mangeant des navets lorsque son seigneur mange des navets. Il part à Essling en Thuringe et combat de telle manière en milieu d'une grande rivière que l'eau fut vermeille et teinte sur une demi-lieue. De là, il part en Bavière, il déconfie le duc d'Autriche et Guillaume suit. Il conquiert Breslau en Pologne, il reçoit comme vassaux 13 ducs. Et puis il s'en va au royaume de Cracovie et par les glaces, en Lestonie, chez les païens, et il fait chrétienté une ville de plus de 6000 mécréants. Eh oui. Et en mai, il est en Bohême, à la cour ou dans la cathédrale de Prague. Guillaume est à Prague, dans le château de Karlstein, le château du fils de Jean qui gouverne pendant que son père guerroie. Il a hérité de la même extravagance et Guillaume s'émerveille devant ces murs garnis de pierres précieuses que l'on peut d'ailleurs encore voir aujourd'hui. Guillaume de confesseur est devenu confident, secrétaire, haut fonctionnaire, dirions-nous aujourd'hui. Il exerce toutes sortes de fonctions administratives et politiques et il lui arrive de se trouver seul, en pays complètement étranger, sans qu'il sache parler un seul mot de la langue du pays et obligé de se cacher, la peur au ventre d'être pris pour un espion et traité en conséquence. Et lui, clerc, fonctionnaire, n'ayant pas appris le métier des armes, et donc couard, il fait là l'apprentissage de la hardiesse chevaleresque. Il est certes de plus basse naissance, mais il comprend qu'à son échelle, il peut éprouver les mêmes sentiments. Et c'est le prince qui lui commande d'écrire. Sa fonction à lui, Guillaume, qui a le même âge que son prince, est non seulement d'être son aumônier, son homme de confiance dans les situations délicates, mais aussi sa plume. Il est bon pour un chevalier de pouvoir faire présent de textes courtois à sa dame. Lorsqu'une dame occupe les pensées du prince, lorsqu'il apporte au prince de montrer aux autres son raffinement et sa maîtrise, de même qu'il fait appel aux meilleurs ouvriers pour ses habits, il fait appel à Guillaume. Guillaume, qui de son côté étudie sur lui-même et dans ses propres expériences ce qu'est l'amour et le désir. « Je veux, mon ami, lui dit le prince, vous prier de consacrer toute votre étude à me faire, de mon amour et de ma plainte, un lait ou une complainte. Car je sais bien que vous connaissez toute la pratique et la théorie du loyal amour et de ses tours, et ses assauts et ses batailles vous ont donné maint frisson, plus piquant que n'est peau d'hérisson. » Douce dame, je Dieu ne pense mire que nul signorie sur moi fort vous seulement, qu'à des tricheries chérie vous est humblement. Tous les jours de ma vie servi sans vil pansement. Hélas, et je m'en dis d'espérance et d'aïe, toute ma joie est finie, si pite ne vous en prend. Douce dame joyeuse, pour Dieu ne pense mire que nous le signorie sur moi. Guillaume suit son prince à la chasse. Tous les jours, il peut aller aux chiens et aux oiseaux avec son seigneur, et un manuscrit le représente sur un cheval noir, au galop, harnaché de rouge, et on sait qu'il a nom Grisard. Machaut est en long vêtement noir, coiffé d'une toque à rabat rouge, entouré de lévriers, l'un blanc et l'autre noir, au milieu des champs couverts de fleurs jaunes. Et derrière Guillaume, une suite, dont une noble dame montée en Amazone sur un cheval blanc, et au fond, un moulin. On est au petit matin, la nuit se lève seulement et se confond encore avec le couleur du lac que longe la petite troupe. C'est au milieu de toutes ces activités que Guillaume écrit. Il écrit des poèmes et de la musique. C'est là, en plein milieu de la guerre, de la chasse, qu'il a composé le dit du Vergier, ce long poème de rencontre entre un chevalier et sa dame dans un lieu clos, le verger. Il écrit pour les princes, pour les rois, pour les comtes, pour les ducs. Bref, il écrit pour la cour, pour les chanceliers, les conseils, les baillis, tout l'appareil administratif qui entoure le roi et dont il fait partie lui-même. Et ce dont il parle, ce n'est pas des tracas quotidiens, des angoisses de tous. C'est au contraire de tout ce qui peut être beau, idéal, rêvé. Le prince est un chevalier, ou du moins se rêve comme tel, et il aime Guillaume parce que celui-ci partage ce rêve. Cette vie dure près de 15 ans à suivre Jean de Luxembourg. Nous étions en mai, nous voici en juin, à Paris, et Guillaume prépare une expédition vers le sud, avec la conquête de Brescia, de Bergame, de Crémone, de Parme, de Pavie, et jusque à 12 cités, nous dit Guillaume. Peut-être est-il passé par Avignon, où vit Pétrarque, le grand collectionneur de manuscrits, qui a pratiquement le même âge. La lore de Pétrarque ressemble aux dames de Guillaume, à ceci près qu'il l'aime lui-même. Guillaume s'en est-il rendu compte? C'est la même ambiance qu'en France, les mêmes manières de concevoir la musique, mais dans un esprit plus bourgeois, plus marchand. Ici, on connaît la pensée de Paris parce que, en même temps, on commerce avec Bruges et Avignon. En tout cas, Guillaume comprend que les innovations françaises qu'il explore lui-même sont arrivées jusqu'ici. S'il est passé à Padoue, il n'a pu qu'être frappé par l'indigence de la musique que l'on entend à la cathédrale, tellement simple, voire simpliste, par rapport à la musique que lui-même écrit. Seule l'université semble un peu au fait de la théorie musicale qu'à Paris on connaît et discute depuis 50 ans. C'est sans doute plutôt chez les grands seigneurs, à Padoue, que Guillaume aurait pu entendre de la musique intéressante, chez les Della Scala ou chez les Scovrini, qui s'intéressent d'ailleurs plus à la peinture qu'à la musique, et leur Giotto, ma foi, peint des choses assez nouvelles. Ou bien chez les Visconti, chez les Sforza, à Milan. Ce qui frappe Guillaume, c'est le caractère particulièrement mélodique de la musique qu'il entend, souvent dans les poèmes d'amour. Il y a des superpositions de voix dans le même style que certaines des compositions de Guillaume. Et Guillaume, lui aussi, explore le chant courtois, l'amour, qui est à la base du chant, comme de l'art de la parole. Les chevaliers qui ont reçu une éducation courtoise savent parfois chanter ou prendre des airs connus pour mettre des poèmes dessus, mais ils apprennent des clercs comme Guillaume, qui détiennent encore le secret de la science musicale et qui savent comment on chante le lyrisme. Guillaume jouit auprès d'eux d'un double prestige. Il a le savoir, et bien que non ordonné, il a un lien avec l'Église, et donc avec le sacré. Alors pour lui, la perfection formelle est ce qui est le plus important. Il écrit et perfectionne des genres de poésie les plus difficiles, la ballade en 3 strophes, de 7 ou 8 vers à rimes croisées, qui se terminent chacun par le même refrain. Et musicalement, il faut construire des phrases bien balancées, avec un moment ouvert et un moment clos, et réussir à ce que les 3 strophes puissent se superposer sur le refrain. Il écrit aussi des rondos, où il faut amener régulièrement un même vers et organiser la musique sur une longue phrase avec une structure numérique cohérente. Surtout, il aime les laits, une chose longue et difficile à trouver, de 12 strophes, de vers très courts, avec très peu de rimes, et la musique suit le nombre des vers. Loyauté, que point ne délai, veut sans délai, que fasse un lait, et pour ce lait, commencer sur ce qu'il me lie en amour, dont suis navré. Or, cette unité que Guillaume perçoit en écoutant les musiques savantes des pays qu'il traverse, il est incapable de la retrouver lorsqu'il parle avec son prince des problèmes politiques. Il y a les mécréants qui menacent de partout la chrétienté. Et pourtant, les occidentaux sont incapables de s'unir. Il n'y a rien qui les rassemble. Le pape est presque schismatique, le Saint-Empire n'existe plus, les féodaux se révoltent, les bourguignons remettent en cause la suzeraineté du roi, et le roi de France et d'Angleterre se disputent plusieurs fiefs. Guillaume, lui, pour ses bons et loyaux services auprès de Jean, va être rémunéré. C'est une coutume. Les papes s'assurent la loyauté d'aristocrates influents en donnant des bénéfices ecclésiastiques à leurs protégés. Ils deviennent chanoines et reçoivent prébendes. Et cette année-là, année où Guillaume est enfin fait chanoine de Reims, il apprend aussi que les Anglais viennent de détruire la flotte française dans le port de l'Écluse. Ils viennent de s'assurer ainsi la maîtrise marine de la Manche et peuvent débarquer à leur gré sur le continent. C'est le début de l'une des plus terribles guerres que l'on ait jamais vécues. Une succession d'otages emportés en Angleterre qui laissent leurs hôtels désemparés et appauvris par les rançons. Une succession de famines, de pillages, d'alliances et de désalliances desquelles un ordre nouveau devait sortir. Et Guillaume continue dans sa voie. Devant le siècle qui se délite, il est plus que jamais nécessaire de chanter l'honneur, la gloire, l'amour. Rose, lys, printemps, verdure, fleurs, baume et très douce odeur, belle, vous les passez en douceur, et tous les biens de la nature avez, pour ceux je vous adore. Un jour, alors qu'il est à Reims, Guillaume apprend que Jean est mort. La bataille avait fait rage en plein mois d'août à Crécy, près de la Seine, contre les Anglais. Les Français avaient le soleil dans les yeux, les Anglais dans le dos, mais c'était surtout un soleil métaphorique. Les Français croyaient encore à l'idéal chevaleresque face à des Anglais modernes, organisés, qui s'en moquaient. Et Jean, devenu aveugle, s'était couvert d'exploits avant d'être achevé. Guillaume est tout déconforté. Il a environ une quarantaine d'années, c'est l'effondrement de l'idéal chevaleresque auquel il avait adhéré. Fortune qui actionne aveugle la roue du monde sur laquelle s'accrochent et tombent gentils et vilains, chevaliers et garçons. Fortune gouverne le monde. Telle rit au matin qui au soir pleure, et telle pense qu'amour travaille pour son bien alors qu'il l'attaque et lui fait mal. C'est fortune qui fait tout ce mal. Elle tourne sans s'arrêter, tourne, retourne et bestourne. Perd celui qui gît au sommet et rend triste et morne l'homme le plus joyeux. Guillaume va-t-il sortir de la mélancolie où fortune l'a plongé ?